À l'occasion de la nouvelle année 106 du Tchouché 2017, l'Association des Coréens du territoire maritime pour la réunification, la Société autonome de la culture nationale des Coréens du territoire maritime et autres formations coréennes en Fédération de Russie ont tenu du 27 au 29 janvier les meetings de félicitations dans les villes d'Artsom, d'Oussurisk, de Nakhotka et de Partizansk. Y avaient pris part les chefs et autres compatriotes des organisations coréennes du territoire maritime de Russie. Y ont été invités également les diplomates coréens étrangers, un délégué du ministère des Affaires étrangères de Russie et autres personnalités de l'administration et de l'Assemblée législative du territoire maritime. Les orateurs ont expliqué que le dirigeant suprême Kim Jong-un a énoncé dans son message de la nouvelle année la tâche d'ouvrir une large voie à la réunification indépendante grâce à la grande union de la nation du Nord, du Sud et d'Outre-mer en cette année marquant le 45e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 4 juillet et du 10e anniversaire de la déclaration du 4 octobre. Il y a eu ensuite les spectacles artistiques.